AXA, premier assureur des pros. Mon fils, il est dans les chiffres. Il les examine, il fait des analyses, il a son cabinet, comme les médecins. Soutenir son fils, pour Carole, rien de plus normal. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend. Nos conseillers accompagnent les pros en moyenne pendant 13 ans. AXA. Plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr. Étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Simone de Beauvoir, vous faites partie de mon histoire. Et si je vis mieux à présent, c'est que je vous dois tant. Simone de Beauvoir, vous êtes au fond de ma mémoire. Et si je vis mieux à présent, c'est que je vous dois. Vous êtes le conservateur au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale. Vous occupez du fonds Simone de Beauvoir. Et là, vous avez devant vous le manuscrit du deuxième sexe. Oui. Alors, c'est une découverte assez exceptionnelle, puisque Simone de Beauvoir ne conservait pas énormément ses manuscrits. Et c'est souvent des particuliers qui récupéraient dans les poubelles, par exemple, les manuscrits. Ça arrivait à Sartre aussi. Et un mal pour un bien, on a pu récupérer ce manuscrit du deuxième sexe qui est incomplet, qui correspond à la moitié du texte imprimé, mais avec parfois des variantes, des corrections, des bifures, qui sont extrêmement précieuses. Alors, par exemple, on a déjà la manifestation dans le manuscrit et pas les dactylographies de l'écriture de Simone de Beauvoir qui est assez compliquée à lire, et les trous laissés par la dactylographie parce qu'elle n'a pas pu lire Simone de Beauvoir. Et on voit qu'elle confond par exemple pouvoir et poirier. Napoléon déclarant que, de même qu'un poirier appartient au propriétaire des poires, de même, la femme est propriété de l'homme à qui elle fournit des enfants. Claudine Chonnaise vous présente l'actualité du livre. Aujourd'hui, le deuxième sexe, par Simone de Beauvoir. Livre culte pour lecteurs rebelles. Le deuxième sexe et le féminisme, pointer la domination masculine. On ne naît pas femme, on le devient. Par Élise Gruot et Anna Smuk. Je souhaite que les femmes deviennent des êtres humains qui soient absolument autonomes et responsables d'eux-mêmes comme les hommes. Simone de Beauvoir, 1949. Par ailleurs, je ne crois pas du tout avoir négligé la description de ce qu'est vraiment la condition féminine. Je ne crois pas du tout avoir négligé le fait qu'il y a un donné, au contraire, j'ai consacré à cela tout mon premier volume, un donné physiologique, historique, social, qui définit la femme comme étant autre que l'homme, profondément différente. La question, c'est de savoir, à partir de là, quelles sont ses chances, quels chemins peuvent être ouverts à sa liberté, et c'est de l'aider à se sauver comme être humain dans le monde où elle a naturellement, comme tout individu d'ailleurs, une situation très singulière. On s'est mépris d'ailleurs si on a cru que j'étais, mettons par exemple, contre la maternité, je suis simplement contre un certain asservissement de la femme à la maternité. On s'est mépris si on a cru que j'étais par exemple contre l'amour, alors que j'ai simplement réclamé que l'amour soit une relation de sujet à sujet, de personne à personne, et non pas une espèce d'esclavage et de mysticisme qui fait que alors la femme se mettra aux genoux de l'homme comme un dieu, et du même coup d'ailleurs lui donnera toutes les charges qu'on donne ordinairement à un dieu, etc., etc. Si j'en suis arrivée là, c'est grâce à vous. Écrit à Simone de Beauvoir, une lectrice ordinaire, parmi des milliers d'autres qui ont voulu témoigner de ce qu'elle devait à la philosophe. Et moi aussi, me too. Je ne serais pas exactement celle que je suis si ma mère n'avait trouvé sur son chemin les livres de Simone de Beauvoir. Publié en 1949, le premier tirage du deuxième sexe, 22 000 exemplaires, de 1000 pages, a été épuisé en une semaine. Très vite, il a été traduit dans des dizaines de langues. Il est un best-seller, un very long-seller de la philosophie. Devenu le livre majeur de l'émancipation féminine, il a créé la conscience collective du féminisme, dont les combats perdurent et se renouvellent dans la rue et la société jusqu'à aujourd'hui. On ne naît pas femme, on le devient. Ainsi, la passivité qui caractérisera essentiellement la femme féminine est un trait qui se développe en elle dès ses premières années. Mais il est faux de prétendre que c'est là une donnée biologique. En vérité, c'est un destin qui lui est imposé par ses éducateurs et par la société. L'immense chance du garçon, c'est que sa manière d'exister pour autrui l'encourage à se poser pour soi. Il fait l'apprentissage de son existence comme libre mouvement vers le monde. Il rivalise de dureté et d'indépendance avec les autres garçons. Il méprise les filles. Grimpant aux arbres, se battant avec des camarades, les affrontant dans des jeux violents, il saisit son corps comme un moyen de dominer la nature et un instrument de combat. Il s'enorgueillit de ses muscles comme de son sexe. À travers jeux, sports, luttes, défis, épreuves, il trouve un emploi équilibré de ses forces. En même temps, il connaît les leçons sévères de la violence. Il apprend à encaisser les coups, à mépriser la douleur, à refuser les larmes du premier âge. Il entreprend, il invente, il ose. Certes, il s'éprouve aussi comme pour autrui. Il met en question sa virilité, et il s'ensuit par rapport aux adultes et aux camarades bien des problèmes. Mais ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas d'opposition fondamentale entre le souci de cette figure objective qui est sienne et sa volonté de s'affirmer dans des projets concrets. C'est en faisant qu'il se fait être d'un seul mouvement. Au contraire, chez la femme, il y a au départ un conflit entre son existence autonome et son être autre. On lui apprend que pour plaire, il faut chercher à plaire, il faut se faire objet. Elle doit donc renoncer à son autonomie. On la traite comme une poupée vivante et on lui refuse la liberté. Ainsi se noue un cercle vicieux, car moins elle exercera sa liberté pour comprendre, saisir et découvrir le monde qui l'entoure, moins elle trouvera en lui de ressources, moins elle osera s'affirmer comme sujet. Si on l'y encourageait, elle pourrait manifester la même exubérance vivante, la même curiosité, le même esprit d'initiative, la même hardiesse qu'un garçon. Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, 1949. Thomas Bott, vous êtes enseignant de philosophie et vous avez choisi d'étudier avec vos élèves Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Alors, pourquoi vous avez choisi ce texte ? J'ai choisi ce texte parce que je pense qu'il pouvait apporter quelque chose d'intéressant aux élèves, qui est d'essayer de comprendre que quelque chose, c'est-à-dire une manière d'être ou des sentiments qu'on pourrait penser comme naturels, c'est-à-dire ne pouvant pas changer, en fait peuvent se transformer et ont été construits progressivement au cours d'une éducation ou d'une socialisation. Par exemple, une certaine agressivité ou une certaine pudeur, par exemple, qui peuvent être distribuées de manière différente au sein de la population. Les femmes peuvent se sentir plus pudiques que les hommes à certains moments. Cette distribution inégale, elle n'est pas liée au hasard, elle est liée au fait qu'on inculque de manière consciente ou inconsciente aux femmes de ne pas trop la ramener ou d'être un peu plus pudique. Je pense que j'avais une vision un peu déformée du féminisme. J'avais le sentiment qu'il y avait une certaine culpabilisation, une culpabilisation des hommes. Et il me semble que Beauvoir montre à la fois que les conditions qu'on fait aux femmes sont pas les mêmes que chez les hommes et elles sont injustes. Ça ne leur permet pas d'aussi grandes possibilités d'existence. Mais elle montre que ce fait-là, il est produit par tout le monde, en fait. Il est produit par l'ordre social, par les institutions, par des comportements individuels inconscients qui se reproduisent. Et voilà. Les élèves, comment ils ont réagi à la lecture du deuxième sexe ? Ils étaient contents qu'on parle de la différenciation des genres, du féminisme, de la condition féminine, de la condition masculine, parce que je crois qu'ils avaient le sentiment qu'on n'en parlait jamais en cours. Ils ont eu le sentiment que ça décrivait bien ce qu'ils vivaient. On vous a accusé, en un mot, d'avoir quelquefois un langage tout à fait réaliste, sinon même cru. Oui, et on a trouvé très comique la juxtaposition d'un vocabulaire vraiment scientifique, technique et cru, avec un vocabulaire philosophique. Mais ça prouve, à mon avis, une double chose. C'est d'abord que les questions sexuelles, on ne considère pas en France qu'on puisse en parler comme de choses sérieuses et que ce sont uniquement des espèces de plaisanteries de collégiens. Et ça prouve, d'autre part, qu'on n'admet pas que la philosophie soit quelque chose de vivant. Or, au contraire, pour moi, on doit parler de la sexualité comme on parlerait de n'importe quelle autre réalité humaine. Et la philosophie est faite justement pour parler des choses les plus communes, les plus courantes, et il n'y a aucun paradoxe à avoir parlé sur deux registres en même temps, oui, de cet ordre de fait, puisqu'il se situe vraiment sur deux ordres de réalité humaine. Sur deux plans différents, oui, parfaitement. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Debout, fameuses esclaves, et brillent. vous êtes en train d'écrire une thèse sur les lectrices de Simone de Beauvoir. Comment avez-vous découvert cette œuvre et quel est votre premier souvenir à la lecture de ce livre ? C'était comme une révélation, c'est-à-dire la grande découverte. Je n'avais jamais lu de livre sur la condition des femmes, etc. Et pour moi, Simone de Beauvoir, c'était la femme de Sartre, en fait, en quelque sorte. Ce cliché qui ressort assez souvent. Voilà. Donc pour moi, ça a été, comme la plupart de ces lectrices-là, une sorte de révélation. Elle appelle aussi les femmes à réagir. Sylvie Chaperon. Donc pour elle, bien sûr, les hommes sont coupables, mais elle a aussi cette phrase dans Le Deuxième Sexe, parlant des femmes, à moitié victime, à moitié complice, comme tout le monde. Hein. C'est-à-dire qu'elle met le doigt sur la responsabilité des femmes, qui finalement acceptent de n'avoir qu'un un avenir réduit à la maternité et au mariage, qui ne font pas d'études, ou qui travaillent peu ou qui se contente d'une vie seconde, la femme d'eux, la mère d'eux. Donc elle appelle les femmes à se prendre en main et donc à décider d'elles-mêmes de la vie qu'elles veulent mener, sans se laisser enfermer dans le destin féminin qu'elle dénonce et qui est celui du mariage et de la maternité. Alors les chapitres finalement qui ont fait le plus scandale au moment de la publication du Deuxième Sexe, c'est ceux qui ont été prépubliés dans les temps modernes, c'est-à-dire avant la publication du deuxième tome. Donc, en fait, il y a deux tomes. Le premier a été publié en mai 1949, sans trop faire de remous, parce que ça traitait des faits et des mythes. Donc, en fait, elle passe en revue la biologie. Il n'y a pas vraiment de sexualité exposée. En revanche, quand le deuxième tome paraît en octobre 1949, là, c'est le scandale. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle libère les femmes de leurs assignations sexuelles, c'est-à-dire être une mère, puisque le chapitre sur la mère commence par une revendication assez radicale des moyens anticonceptionnels, pour la généralisation des moyens anticonceptionnels et pour une libéralisation de l'avortement. Donc, dans le climat nataliste de l'après-guerre, on comprend que ça ait pu poser problème à ses contemporains. Pour l'initiation sexuelle de la femme, on est dans une description assez crue de la sexualité. Donc, elle emploie des termes comme vagin, pénis, coït, qu'on n'a pas finalement l'occasion de trop voir dans les revues, et notamment une revue de philosophie qui se veut sérieuse comme Les Temps modernes. Et c'est ce que dénonce d'ailleurs François Mauriac quand il convoque cette enquête à l'adresse de la jeunesse dans Le Figaro et dans Le Figaro littéraire, où il demande si vraiment la sexualité a sa place dans une revue comme Les Temps modernes, dans la philosophie, dans le débat intellectuel. Donc voilà. Et puis, pour la lesbienne, alors, elle se pose contre la psychanalyse et contre une morale qui dit que ce n'est pas en fait une perversion. Elle, ce qu'elle dit, c'est que c'est une sexualité normale et transitoire chez la jeune fille. Alors ça, ça a pu poser problème et ça pose encore problème, évidemment. Mais à l'époque, ces trois chapitres restent quand même assez novateurs et provoquent le scandale. Bon, maintenant, nous allons aborder une question délicate, mais qui est très importante, celle du caractère soi-disant scandaleux de votre œuvre. Défendez-vous. Eh bien, ça n'est pas de ma faute si, en France en particulier, dès qu'on parle de femme, on pense immédiatement sexe. C'est précisément parce que la femme a été réduite par les hommes à être avant tout ce qu'elle est pour l'homme, c'est-à-dire presque exclusivement un sexe. Mais je ferai remarquer aussi que si on regarde ces 1000 pages, il n'y en a relativement qu'un petit nombre qui sont consacrés précisément aux questions de la sexualité. Ce sont naturellement ces pages-là dont on s'est le plus occupé et qu'on a le plus lu et peut-être qui amuse le plus les gens. Mais il y en a une très grande quantité d'autres qui sont consacrés à tous les problèmes du travail, du ménage, du cœur, des sentiments, même de la maternité, de l'intellectualité également de la femme, oui. Etc. etc. Enfin, et vraiment, oui. Ça n'est pas du tout une spécialisation. C'est pas que la question sexuelle, c'est certain. Men, don't you doubt your woman. You let that woman go out sometime. Men, don't you doubt your woman. Pharmacien, le psychiatre. Permettez qu'en quelques lignes, je vous manifeste un peu de l'estime que je vous porte, particulièrement au sortir de la lecture de votre Deuxième Sexe. Il est bon que ce livre soit écrit par vous, qui mettez ainsi en pratique les qualités qu'on refuse en général à la femme dans le moment même que vous les défendez. Aussi, votre livre est-il venu comme un très utile appoint à ma connaissance du monde. À défaut de rencontrer la femme qui a écrit ce livre, je serais très heureux de connaître un jour une femme capable d'en comprendre la teneur et de l'assumer en devenant un être humain à part entière. Nous avons un fonds assez exceptionnel de lettres reçues par Simone de Beauvoir. Elle avait un goût pour écrire des lettres, pour converser avec les gens qui lui écrivaient, et donc elle avait conservé par sac, par année, l'ensemble de ses correspondances qui remontent du coup des années 40 jusqu'en 1986, la date de sa mort. Alors on a un ensemble qui est extrêmement vaste de à peu près 55 boîtes d'archives et chaque boîte représentant à peu près 350 lettres. On peut estimer qu'on a 20 000 lettres qui ont été écrites à Simone de Beauvoir. C'est assez exceptionnel d'avoir la réception d'une œuvre à travers la correspondance des lecteurs. On a un réseau de correspondants qui est assez atypique par rapport aux grandes correspondances qu'on a ici au département des manuscrits, puisqu'on a aussi des vastes correspondances, mais qui sont souvent d'écrivain à écrivain ou d'écrivain à philosophe. Ici, ce qui est spécifique, c'est qu'on a des correspondances de femmes ordinaires, d'hommes ordinaires qui écrivent à Simone de Beauvoir et qui témoignent de leurs troubles, de leurs soucis, de leur façon de se situer vis-à-vis des prises de position de Simone de Beauvoir, vis-à-vis de ses actions, vis-à-vis de ses livres. Elle donnait suite à chaque quasiment à chaque sollicitation, ce qui est assez exceptionnel. Et quand elle en a fait part, notamment dans ses mémoires, eh bien là, elle a reçu un courrier encore plus abondant, puisque ça a débloqué l'image du grand écrivain qu'avait encore Beauvoir. Donc là, notamment les femmes, puisqu'on a grosso modo 70 à 80% de femmes dans les correspondances, eh bien, on a tout un pan de personnes qui réussissent à s'exprimer et de témoigner soit de leur vie, aussi de leur cheminement. C'est-à-dire comment Simone de Beauvoir, en tant qu'icône, mais aussi en tant qu'écrivain, en tant qu'essayiste, que philosophe, va les aider à prendre la parole en première personne et de écrire leur histoire, même si ce n'est que le temps d'une lettre. Alors, nous sommes le 20 janvier 58. Madame, depuis que M. Jean-Paul Sartre a bien voulu m'envoyer les deux tomes du deuxième sexe, et bien que je n'ai jamais eu le plaisir de vous rencontrer, il me semble que je vous connais. Ce que je reproche à l'introduction de votre livre, c'est un trop grand optimisme. Si vous croyez que les femmes se libèrent, je peux vous dire que ce n'est que dans un certain milieu. Dans le milieu ouvrier, et bien qu'elles portent des pantalons, le problème reste entier. Plus dangereux même, parce qu'on a établi un régime hypocrite d'apparence de liberté, et cette hypocrisie enferme encore plus sûrement la femme qui n'ose plus ouvrir le bec. Puisque tout le monde la persuade qu'elle possède ce qu'en réalité elle ne possède pas. Malgré tout, vous dénoncez avec un courage et une vérité que j'admire profondément, bien des mots cachés comme une plaie et dont on souffle doublement, comme ces plaies de l'anus que personne n'ose avouer et qui vous rongent. En ce qui me concerne, je pense que la liberté de la femme du peuple est en premier lieu dans son ventre. Plus la femme est cultivée, et plus elle a les moyens de connaissance et d'action pour maîtriser cette infernale machine à produire que chacun possède, en même temps comme une bénédiction et une calamité. C'est pourquoi, au sein du mouvement du peuple et culture, j'ai combattu pour que soit traité le problème de la condition féminine. Voilà un groupe de deux jeunes filles. Femme charmante. Madame! Mesdames! Oui, approchez, s'il vous plaît. Pourriez-vous approcher du micro? Madame, je m'excuse de vous aborder, mais je suis en train de faire un reportage sur le vote des femmes. Et je voudrais vous demander d'abord ce que vous faites dans la vie. Vous travaillez? Secrétaire, monsieur. Oui, secrétaire. Vous êtes secrétaire. Et vous êtes mariée? Ah oui, je suis mère de famille. Vous êtes mère de famille? Oui, monsieur. Eh bien, justement, c'est exactement vous que je cherche. Secrétaire et mère de famille, je voudrais avoir votre opinion sur le vote en général et plus spécialement, évidemment, sur le vote des femmes. Nous avons depuis toujours fait face à des difficultés sans nombre dans le ménage. ne serait-ce que de seconder le mari, d'élever les enfants, guider au mieux les intérêts de la famille. Et j'estime, dans ce cas, que mieux qu'un homme, peut-être, une femme est appelée à rendre de grands services. Bien sûr, certainement. Donc, dans les questions sociales, concernant la famille, les enfants. Et même l'économie politique. Sylvie Chaperon, madame, vous êtes spécialiste d'histoire des femmes. Vous êtes professeure d'histoire contemporaine du genre à l'université de Toulouse 2. Quelle est la condition de la femme en cette fin des années 40 en France ? Jusqu'à la guerre froide, 47, il y a eu une succession de réformes législatives assez importantes et qui étaient réclamées par les féministes depuis des générations. Bon, bien sûr, c'est le droit de vote obtenu en avril 44 qui fait des femmes des citoyennes à part entière. Et donc, par là, elles peuvent accéder à un certain nombre d'écoles, comme l'école de la magistrature, qui était fermée aux femmes parce qu'elles n'avaient pas leurs droits politiques. Mais on a aussi l'égalité constitutionnelle reconnue dans la Constitution de 46. On a également d'autres lois notamment qui abrogent les abattements légaux sur les salaires féminins, puisqu'il était parfaitement légal pour un même travail à qualification égale de payer les femmes 20% moins cher que les hommes. Ça, c'est abrogé. Donc voilà, il y a une série de victoires, ce qui fait d'ailleurs dire à Simone de Beauvoir que, comme elle le dit, en gros, nous avons gagné la partie. Il y a eu suffisamment de victoires pour qu'on ait l'illusion que, parfois, le féminisme n'avait plus lieu d'être. Et... Alors, par contre, tout ça est un peu invalidé par le baby-boom et la politique nataliste très forte que connaît la France à ce moment-là, avec des aides financières très élevées, et notamment l'allocation de salaire unique, qui est un véritable encouragement à quitter le marché du travail pour les femmes dès lors qu'elles ont 2 ou 3 enfants et qu'elles ont des salaires modestes. Alors, nous sommes encore sous la période de la pénurie. La restriction et les bons alimentaires existent jusqu'en 49. Et nous sommes à la période du baby-boom avec une très forte valorisation de la mère au foyer. Bon, il y a une hausse des naissances considérable depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et une glorification de la mère au foyer. Bon, et puis il faut quand même rappeler que la contraception est illégale, contrairement à plein de pays européens, notamment le Royaume-Uni, et que l'avortement, a fortiori, est également illégal. Sinon, nous avons cette lettre. Ouais. Guillaume Delaunay. De notre pharmacienne. Et on voit qu'il y a la mention de peut-être la main de Simone de Beauvoir répondue. Répondue. Alors, c'est pas toujours le cas. Des fois, on a une croix aussi qui indique répondue. Et parfois, il y a des correspondances, pour le coup, où on a une deuxième lettre. On sait que ça a été répondu. La première ne porte pas nécessairement la marque répondue. Donc. Mais là, c'est sûr que ça lui a parlé. Elle a vraiment été touchée par ce qui a été dit dans cette lettre et qu'elle y a répondu. Le 20 mars 1950. Les compétitions des femmes sont fréquentes et les soucis qu'elles y exposent sont de 2 catégories. Premièrement, soucis de santé en général. Deuxièmement, soucis sexuels qui se subdivisent eux-mêmes en 2. Avortement, frigidité, combiné ou dissocié. Je peux donc vous dire avec certitude que votre statistique au sujet des avortements n'est pas exacte. Elle représente sans doute les renseignements officiels des hôpitaux, mais elle néglige les cas non homologués. Les confessions orales corroborent d'ailleurs ces renseignements. L'une a 40 ans, 3 enfants, 16 fausses couches. L'autre, la dernière en date, me disait textuellement « J'ai 29 ans, 4 enfants, 10 fausses couches, aucun plaisir ». Les jours de repos de mon mari sont pour moi des supplices. Je fais ce que je dois faire, mon devoir, mais j'ai peur. Fin de citation. Nous rejoignons avec cela le problème de la frigidité chez les femmes. Personnellement, je pense que s'il y a inhibition chez certaines au moment de l'initiation, ce n'est pas la cause principale. À mon avis, la plus grande partie des femmes frigides est constituée par toutes celles qui ne s'épanouissent pas de peur d'être enceintes. La vie est tout de même assez longue et une grande partie des erreurs initiales serait réparée s'il n'y avait pas cette crainte. Film Le procès de Bobigny de François Luciani. Vous savez que Simone de Beauvoir a obtenu la une du Nouvel Obs ? Ben ça va faire du bruit. Et si on nous arrête ? Ça, c'est ce qui pourrait nous arriver de mieux, mais on n'arrête pas 343 femmes. Donc c'est un homme, un père de famille qui écrit une lettre du 10 octobre 1959. « Madame, j'ai beaucoup hésité avant de vous écrire. Cependant, le souvenir de votre livre, Le deuxième sexe, que j'ai lu il y a quelques années déjà, m'est revenu en ce moment difficile pour nous, ma femme et moi, et je me résous à vous poser la question qui me presse. Pouvez-vous m'aider ? J'ai plus de 40 ans, un appartement trop petit pour deux enfants, une santé ébranlée, blessure de guerre, maladie, et je ne voudrais pas, ma femme non plus, que ma famille augmente. » Évidemment, depuis deux mois bientôt, la menace se précise. Vous devez connaître un moyen, une adresse, un traitement pour arrêter cela. Vous pouvez évidemment compter sur ma discrétion au cas où vous accepteriez de me rendre ce service. Alors là, le sujet est abordé frontalement, mais il y a beaucoup de lettres qui laissent simplement deviner qu'il s'agit d'une demande, d'une adresse pour avorter, hein, d'un médecin qui pratique des avortements à une période où c'est illégal et ça tombe sous le coup de la loi de 1920, ou alors des moyens anticonceptionnels en fait. 30 femmes dans un salon qui tournent et parlent à leur tour, sans phrases, sans discours. Et dans le couloir défile les tabliers blancs des hommes de science et de morale. Moi, dit la femme usée, on ne m'a jamais dit comment ça peut se faire ou ne pas se faire. En voilà déjà 8 sorties de moi et je suis vieille hélas. Et de nouveau dans mon ventre alourdit cette chose. Mais je ne veux plus d'un autre enfant, je ne veux plus, je ne peux plus. Alors, ce qui se dit dans les lettres qu'elle reçoit et ce qui se dit dans les quelques témoignages qui sont publiés, c'est l'impression que Simone de Beauvoir leur parle intimement, hein, presque dans le registre des confidences. Parce que Simone de Beauvoir aborde pour la première fois des sujets qui sont à la fois très intimes et à la fois très tabous. Par exemple, l'éducation sexuelle. Par exemple, la puberté et les premières règles qui arrivent. Par exemple, le fait de devenir, comme le dit Simone de Beauvoir de façon très noire dans l'initiation sexuelle de la femme, de devenir une proie pour l'homme, hein, c'est-à-dire de changer de corps, d'avoir un corps qui devient sexualisé et de devenir ainsi pour les hommes un objet sexuel. Et toutes ces expériences intimes que Simone de Beauvoir décrit comme si elle le vivait de l'intérieur, et pour ce faire, elle a dû sans doute parler à beaucoup de femmes, hein, pour connaître ce vécu intime. Ça parle à chacune parce que c'est un peu ce qu'elles ont vécu peu ou prou, hein, à une époque où, ma foi, il n'y a pas d'éducation sexuelle, où, en tout cas, dans les milieux de la bourgeoisie, on estime que l'ignorance est le meilleur garant contre les dévergondages. Hein, donc les jeunes filles sont laissées volontairement ignorantes de la sexualité, des questions sexuelles. Donc ce qui ressort de tous ces témoignages, c'est comme si Simone de Beauvoir était une sœur ou quelqu'un qui avait vécu la même vie que ses lectrices. Une reconnaissance presque intime. Et c'est souvent ça, d'ailleurs, qui déclenche la première lettre. Je vous écris parce que j'ai l'impression de vous connaître intimement. Parce que Simone de Beauvoir parle des choses intimes des femmes. Le fait que les femmes travaillent, est-ce que vous êtes pour ? Bah oui, ça leur donne une certaine impression d'égalité avec l'homme. Le mari devrait gagner suffisamment d'argent pour qu'une femme puisse s'inscrire au foyer et que le foyer puisse vivre correctement. Ça prend le boulot des hommes, quoi. Oui, c'est pas une mauvaise idée, ça rapporte de l'argent au mari. Mais vous pensez qu'elle ne pouvait pas avoir un salaire comme le vôtre, par exemple ? Non, il y a une différence de sexe. Il faut les occuper parce que s'ils restent à la maison, hein, après ça court. Alors vous me donnez une lettre, une enveloppe qui porte votre nom, mademoiselle Colette Avrane, oui. 5 rue de Leningrad, Paris 8e. Oui, et ça, c'est la première la première lettre qu'elle m'a envoyée. Ah oui. Il y a le tampon de la poste de 1964. Il y a 3 ans, j'ai rencontré la jeune femme Marine. Marine Rouche. Oui. Elle est en train de faire la thèse, mais elle cherchait des femmes, ou des hommes d'ailleurs, qui avaient rencontré Beauvoir. Est-ce que c'est par Marine que vous avez pu retrouver votre lettre? Oui. Dans le fond de la correspondance Beauvoir. À la BNF? Oui. C'est ça. Et donc, elle a cherché dans le fond Beauvoir mes lettres, ce qui est incroyable. Qu'elle retrouve ça, et en particulier, elle a retrouvé la première. Vous ne me connaissez pas, mais ne jetez pas tout de suite ma lettre. D'abord, je voulais vous dire que j'ai été enthousiasmée par les livres de vous que j'ai lus. Ils ont changé beaucoup mes idées. J'ai mis 5 ans à m'apercevoir que je ne croyais plus en Dieu. Je ne croyais en lui que dans la mesure où j'avais l'impression qu'il me protégeait et m'aidait. Je me suis rendu compte que c'était uniquement parce que j'avais peur de me retrouver seule face à l'avenir, à l'inconnu. Je cessais de croire. Pourtant, c'est insuffisant. Je suis une tourmentée et une instable. Alors je vous demande, expliquez-moi pourquoi Dieu n'existe pas. Ou si ça vous ennuie, demandez à Sartre de me l'écrire. J'espère que vous lirez jusqu'au bout. Il vaudrait mieux que je me présente. J'ai presque 16 ans, je suis une bonne élève, mais une révoltée. J'étouffe dans le milieu familial, au lycée. Je vais peut-être s'arrêter là. Elle avait une écriture épouvantable. Alors, chère Colette Avran, vous me posez une grande question. Il faudrait un livre ou des livres pour répondre. Quand vous serez en classe de philosophie, vous apprendrez là-dessus beaucoup de choses et vous pourrez lire L'être et le néant de Sartre. Votre lettre m'a beaucoup touchée et j'espère que vous me donnerez de vos nouvelles. En quelle classe serez-vous l'an prochain? Avec beaucoup de sympathie, Simone de Beauvoir. C'est une jolie lettre. Hein. Ouais. Donc, et c'est 2 ou 3 semaines après la lettre que j'ai lue, là, que je viens de vous lire. Et j'ai donc fait cette lettre qui... C'est une lettre de jeune fille, parce que c'était une époque où j'étais pas bien du tout. Je me sentais très seule, donc je me posais des tas de questions. Et ça m'a bouleversée, ces livres. Parce que, d'abord, c'est très, très bien écrit, j'aime toujours la littérature. Et puis, je me voyais vivre ce qu'elle racontait. D'ailleurs, elle l'a dit dans des textes elle a senti que beaucoup de femmes pensaient qu'elle était un modèle. Et moi, j'avais 15 ans et je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie, comme on peut voir à cet âge-là. Et donc, c'est pour ça que mon frère m'a dit « lis ça ». Et il a eu raison, parce que finalement, ça m'a beaucoup changé à l'époque. Et je pense que c'est resté. Parce que les jeunes filles, c'est fragile. Il y a eu une époque où je ne savais pas ce que j'allais faire et j'étais complètement bouleversée par l'homosexualité, que je ne vivais pas bien du tout et que je ne comprenais pas et je n'osais pas en parler. C'était difficile à l'époque. Maintenant, je vois les jeunes filles, je trouve ça extraordinaire. Mais c'était avant 68. Je l'ai rencontrée, Simone de Beauvoir, et là, elle m'a rassurée. Et c'était une époque, je ne pouvais pas parler de ça à ma mère. Ma mère, c'était très difficile pour moi de parler avec elle. Et du coup, Simone de Beauvoir est devenue une espèce de phare. Je pouvais faire certaines choses puisque elle le faisait. Et ça, c'est une chance, parce que pendant plusieurs années, je pouvais discuter avec elle. On se voyait très peu, hein. C'était 3 ou 4 fois par an. J'allais chez elle et puis on déjeunait dans un restaurant à côté. Ou alors chez elle quand elle était plus âgée. Et là, je restais avec elle. Et c'était toujours 2 heures et pas une minute de plus. Et donc on discutait. J'arrivais avec des albums de photos de mes enfants. Elle trouvait ça marrant, je pense. Elle me donnait cette possibilité de parler avec une adulte intelligente et qui me comprenait. Et la première fois que j'ai été chez Beauvoir, elle m'a prêté des disques. J'arrive chez elle, je ne sais pas si vous avez vu comment était son appartement. C'était un petit appartement et dans ce petit appartement, il y avait un mur entier de disques. Alors j'étais éblouie évidemment parce que j'aimais la musique, j'aime toujours la musique, mais je n'avais jamais entendu de jazz. De toute façon, chez mes parents, ça s'arrêtait à 1900 quoi, à peu près, la musique. Donc elle m'a prêté 3 disques. En fait, elle m'a permis de faire des choses que je n'avais pas le droit de faire ou que je considérais que je n'avais pas le droit. Parce qu'une jeune fille, ça ne fait pas ceci, ça ne fait pas cela. Vous vous êtes sentie comme autorisée, légitimée? Oui. Dans vos désirs? Oui. Oui. Et bah, par la suite, je suis donc mariée. Et puis, bien longtemps après, j'ai divorcé. Et depuis, j'ai une compagne. Donc, elle m'a donné la force de vivre ce que je voulais vivre. Écrire à Simone de Beauvoir, c'est vraiment l'occasion de faire une sorte de bilan sur une trajectoire de vie, en fait. Et ce bilan-là, il est fait à partir des lectures, et souvent des lectures de l'œuvre de Simone de Beauvoir. Donc, il y a des lectrices qui ont lu Le deuxième sexe quand elles étaient jeunes, qu'elles n'ont peut-être pas encore compris, et puis qu'elles vont redécouvrir parce que elles sont devenues mères ou qu'elles ont eu un travail et donc salariées, et donc elles ont été peut-être confrontées parfois à du sexisme, c'est ce qu'on lit parfois, et qui se disent je reprends Le deuxième sexe pour essayer d'aller plus loin, peut-être de comprendre, de faire une introspection sur cette situation-là. Il y a des lectrices aussi qui à partir du deuxième sexe sont poussées à entreprendre une psychanalyse, et ça revient énormément également. Et voilà, c'est en fait, on a dans ces lettres des vies qui sont rythmées par différentes lectures du deuxième sexe. Alors, à savoir que Le deuxième sexe, c'est un livre très commenté, mais finalement assez peu lu en entier, et donc qui permet ce retour-là, en fait, finalement, de prendre quelques chapitres, quelques extraits pour répondre à un besoin sur le moment. Donc effectivement, oui, il y a beaucoup d'exemples de lectrices qui sont accompagnées dans leur vie par le deuxième sexe. Et alors, ce qui suit la révélation, c'est finalement les limites du deuxième sexe. Parce qu'il n'y a pas vraiment de solution qui est exposée par Beauvoir, à part celle de se joindre à une sorte d'humanité, mais cette humanité, elle est quand même sous le sceau du masculin, donc... Alors qu'on est quand même dans une époque où, et ces femmes l'expriment dans les lettres, on cherche un sujet féminin, on cherche ce qu'est une femme et on cherche à se trouver soi-même. Et Beauvoir, elle, propose à la fin du deuxième sexe, en quelque sorte, où ça a été compris aussi comme ça, finalement, en attendant la libération, en attendant de vivre dans une société pleinement socialiste qui pourra permettre aux femmes d'exister en tant que sujet, ben, il faut qu'elles se rangent à l'ordre dominant, en quelque sorte, disons du côté du masculin, pour vraiment être des sujets. Donc ça, c'est les limites. Il n'y a pas vraiment de solution à part celle-ci. Et beaucoup de femmes disent qu'il faut aller plus loin. Je pense, j'avais une lettre de 1951 qui dit ça, qui demande à Beauvoir d'aller plus loin que maintenant qu'elle a écrit ça, que ce sont des théories. Il faut montrer comment faire. Elle a exposé une situation, elle a vraiment dévoilé une condition, mais maintenant, il faut essayer de la résoudre, cette condition, et d'aller beaucoup plus loin. Finalement, le deuxième sexe, c'est une sorte de récit d'expérience commune. Et on est dans une époque, dans les années 50 et 60, où les femmes, en tout cas c'est ce que montrent les lettres, les femmes se sentent vraiment isolées dans leur famille, dans leur travail. On a des femmes qui portent souvent à bout de bras leur mari, leurs enfants, et il y a un isolement qui est ressenti finalement. Elles appartiennent pas encore, il n'y a pas de nous féminin ou féministe justement, puisqu'il n'y a pas vraiment de mouvement féministe qui permet de relayer tout ça, même si, comme Sylvie Chaperon l'a montré dans son livre, on est quand même dans une période de recomposition des mouvements féministes, mais on n'est pas encore dans l'ampleur du mouvement féministe des années 70. Donc il y a cette absence de nous, et écrire à Simone de Beauvoir et le deuxième sexe a peut-être permis une première étape dans cette conscience d'appartenir à un groupe beaucoup plus grand de femmes qui partagent cette même expérience. Donc ça c'est cette révélation-là qui est très forte. C'est en fait je ne suis pas seule et il y a de l'espoir. Voilà, il y a vraiment l'espoir qui pointe dans ces lettres. Simone de Beauvoir, faites partie de mon histoire. Et si je vis à présent, c'est que je vis de temps. Que je danse la lumière, signée, brillée. Je marche à l'est, je marche à l'est. À gauche et à l'est, le bonheur sexiste. Sylvie Chaperon, quel rôle joue le deuxième sexe dans l'invention d'un nouveau féminisme? Simone de Beauvoir va changer la focale par rapport à la génération féministe, mais par rapport à cette génération suffragiste qui se battait, comme son nom l'indique, pour le suffrage, pour le droit de vote, mais aussi pour les droits. Et ce qu'elle va mettre sous son attention, et c'est là où il y a un déplacement très important, générationnel, on peut dire, c'est la vie privée. C'est comment un individu se réalise ou pas en fonction de sa situation sociale, en fonction de son éducation, et comment les rapports sexuels, les rapports amoureux sont ou non égalitaires. Et c'est bien sûr ce qui va l'amener à parler de contraception et d'avortement, parce que on est là, comme elle le dira plus tard dans une préface à un ouvrage d'une pionnière de la contraception, pour les femmes, la liberté commence au ventre. Et tant qu'on n'a pas la liberté du ventre, hein, d'être enceinte ou pas, eh bien on n'est pas libre, tout simplement. Donc c'est ce déplacement qu'elle fait de la sphère publique vers la sphère privée qui va inciter une nouvelle génération à prendre en main ces questions qu'on disait d'ordre privé ou ce qu'on disait aussi de façon très cavalière et méprisante, ces affaires de bonnes femmes. Hein, ces affaires de bonnes femmes, c'est justement les grossesses subies, c'est les avortements clandestins, c'est les viols, c'est la violence de genre. Et c'est là-dessus qu'elle met l'accent. Et ça annonce vraiment la deuxième vague féministe des années 70, donc bien après le deuxième sexe, qui va avoir un slogan clé, le privé est politique. I know the end is near, and so I pay. Final curtain, my friend, I'll say it clear. I state my case, of which I'm certain. I flee. 50 ans après le deuxième sexe, une lectrice écrit: quand je me sens désarmée, depuis 2006, je ressors mon grimoire magique. King Kong Theory. Le miracle a encore opéré. Je ne suis plus seule, je suis armée. Virginie Despentes se réapproprie le discours féministe et la jeunesse s'empare de son essai cru, provoquant et féroce. J'écris de chez les moches, pour les moches, les frigides, les mal baisés, les imbaisables, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf, aussi bien que pour les hommes qui n'ont pas envie d'être des protecteurs, ceux qui voudraient l'être mais ne savent pas s'y prendre, ceux qui ne sont pas ambitieux, ni compétitifs, ni bien membrés. Parce que l'idéal de la femme blanche, séduisante, qu'on nous brandit tout le temps sous le nez, je crois bien qu'il n'existe pas. En fait, King Kong Theory va plus loin, bien évidemment. On n'est pas dans les mêmes générations que Simone de Beauvoir, parce que ce qu'elle dénonce, ce n'est pas tant la domination masculine que l'hétérosexisme. King Kong Theory essaye de, comme elle le dit elle-même dans son ouvrage, de mettre l'accent sur toutes les laissées pour compte du marché matrimonial et de l'hétérosexualité. Donc, les femmes lesbiennes, les femmes de mauvaise vie, les prostituées, les femmes qui ne sont pas dans le moule d'une hétérosexualité conjugale et d'une réussite sur le marché matrimonial. Et bien sûr, elle dénonce aussi les violences sexuelles, ce que Simone de Beauvoir commençait à faire, mais elle va beaucoup plus loin dans la dénonciation de ces violences sexuelles. Virginie Despentes, est-ce que vous êtes une féministe révolutionnaire ? Virginie Despentes, au micro de Anne-Sophie Vergne, 2006. Je suis une féministe, en tout cas, et forcément c'est révolutionnaire, quand même. Et je le suis, c'est vraiment une affaire qui m'intéresse, cette histoire de féminisme. Donc, et forcément c'est révolutionnaire, parce qu'on n'en est tellement pas encore sorti de cette affaire. Donc, puis je crois quand même... Là, je suis une féministe assez confiante aussi. Je trouve que les femmes ont... Là, en préparant le livre, à chaque fois qu'on se penche sur l'histoire du féminisme et l'histoire des femmes, on est quand même surprise par à quel point on a spécialement enduré, quoi. Je vois beaucoup de catégories de gens qui se plaignent, beaucoup du traitement historique qui leur est infligé à juste titre, vraiment que d'horreur. Mais putain, les femmes, on a ça en commun quand même partout. On a bien... bien dégusté, quoi. Et je nous trouve quand même vachement en forme après tout ça, quoi. Donc je me dis quand même quel sexe puissant et intéressant, quoi. Juillet 86. Captation de King Kong Theory. J'ai 17 ans. On est deux filles en mini-jupe. Je porte des collants rayés et des Converse basses rouges. On revient de Londres. Plus une thune pour le voyage retour, on fait du stop et la manche pour prendre le ferry. Quand on arrive à Calais, la nuit est déjà bien tombée. Deux Italiens, plutôt beaux, nous conduisent jusqu'aux portes de Paris. On se retrouve en pleine nuit à une station essence quelque part sur le périphérique. On décide d'attendre que le jour se lève pour trouver un camion qui ira direct sur Nancy. On traîne sur le parking, dans le magasin. Il fait pas tellement froid. Adapté par Valérie de Dietrich et Vanessa Larré. Voiture de Trois Lascaves. Théâtre de l'Atelier. Blanc. Typique banlieusard de l'époque. Bière pétard. Il est question de Renault, le chanteur. Comme ils sont trois, dans un premier temps, on refuse de monter avec eux. Ils se donnent la peine d'être vraiment sympas. Faire des blagues et discuter... Ils nous convainquent que c'est trop bête d'attendre à l'ouest de Paris alors qu'ils pourraient nous dropper à l'est, là où ce sera plus facile de trouver quelqu'un. Et on monte dans la voiture. Au moment où les portières claquent, on sait déjà que c'est une connerie. Mais au lieu de hurler, on descend. Et quelques mètres où il est encore temps, on se dit chacune dans notre coin qu'il faut arrêter de paranoïer, de voir des violeurs partout. Ça fait plus d'une heure qu'on parle avec eux. Ils ont juste l'air de branleurs. Amusant, vraiment pas agressif. Il y a un tournant, Vanessa Larré. Je crois qu'ils ont dit quand le livre est sorti que c'était manifeste pour un nouveau féminisme. Parce qu'il y a un avant et un après pour toute une génération. Pendant longtemps et jusque dans les années 2000, le début des années 2000, il n'y a pas tant de littérature là-dessus, il n'y a pas tant de témoignages. Il n'y a pas tant de paroles, en fait, d'espace de parole donné. Comme elle dit, tous les traumas ont leur littérature, mais le viol, rien. Ça commence vraiment avec ça. Alors, pas directement, mais nous, c'est la partie avec laquelle on a commencé la pièce et qui, moi, me semblait être le déclencheur, en fait, de tout ce qui allait suivre. Le viol que raconte Virginie Despentes, dont elle a été victime, qu'elle a subi. Ouais. À 16 ans. Et je pense que c'est un peu le nœud féminin, parce que la question du viol, elle est omniprésente, en fait, dans l'histoire de la relation homme-femme. Donc, en fait, c'est une assignation quand même qui, d'une manière ou d'une autre, se perpétue, quoi, à travers l'histoire. Ça s'organise, tout est organisé, tout ça est politique, évidemment, mais quand même, il y a un accès direct... qui est loin d'être aboli, puisque aujourd'hui encore, je ne sais pas les chiffres, je ne les ai pas en tête, mais c'est quand même effrayant. Pas une de plus, 67, pas une de plus, 67, pas une de plus, 67, pas une de plus, 67, pas une de plus, 67, pas une de plus, 67, pas une de plus, 67, pas une de plus, 67, pas une de plus, 67, pas une de plus, 67, pas une de plus, 67, pas une de plus, 67, pas une de plus, 67, pas une de plus, 67, pas une de plus, 67, pas une de plus, 67, pas une de plus, 67, pas une de plus, 67, pas une de plus, 67, pas une de plus, 67, pas une de plus, 67, pas une de plus, 67, pas une de plus, 67, pas une de plus, 67, pas une de plus, 67, pas une de plus, 67, pas une de plus, 67, pas une de plus, 67, pas une de plus, 67, pas une de plus, 67, pas une de plus, 67, pas une de plus, 67, pas une de plus, 67, pas une de plus, 67, pas une de plus, 67, pas une de plus, 67, pas une de plus, 67, pas une de plus, Ras le viol. La rue est à nous toutes. Demain ne se fera pas sans nous toutes. Le 23 novembre 2019, les trottoirs de Paris sont recouverts de slogans peints au pochoir. La grande marche, nous toutes, défile et exige des moyens réels pour lutter contre les violences faites aux femmes et contre les féminicides. Les sorcières sont dans la rue. Marine Rouche, vous qui avez un peu moins de 30 ans, quels autres livres autour de la question des femmes sont fondateurs aujourd'hui ? Alors, King Kong Theory est beaucoup cité. Alors, j'ai des amis pour qui c'est une référence incontournable. Il y a d'autres textes qui sont lus. Je pense à un livre qui a beaucoup fait parler. C'est le livre de Mona Chollet sur les sorcières. Elle aborde vraiment toute cette question du conditionnement des femmes et les représentations qui sont faites d'elles, et notamment à travers cette grille d'analyse en fait, de la sorcière, c'est-à-dire que la femme qui ne se conforme pas à ce qu'on attend d'elle, à ce qui est attendu d'elle dans la société, c'est-à-dire avoir des enfants ou s'exprimer en public, avoir une portée finalement, sortir de la sphère traditionnelle qui, même si on a évolué, est encore assez présente aujourd'hui. Je pense voilà, qu'elle permet de brasser un petit peu tous ces thèmes. Elle les aborde bien. Elle a fait un travail aussi de reconstitution de tous les travaux qui ont été faits sur les sorcières, sur tout ce courant un petit peu. Et puis c'est très fort aujourd'hui. On a l'impression que ce terme de sorcière est repris dans le mouvement féministe comme une sorte de retour de stigmate, en fait. On peut tous devenir sorcière. On peut tous réaliser qu'on est sorcière. On ne naît pas sorcière, on le devient. Une rhétorique qui est devenue pleinement féministe. On a repris finalement le terme de l'ennemi pour se le réapproprier et essayer de servir la cause féministe. Et je pense que ça parle à pas mal de personnes et surtout parce que ça touche un peu comme le deuxième sexe finalement. Ça touche de près les vies des femmes. Être mère, ne pas vouloir d'enfants, donc ne pas être mère. Avoir des problèmes pour s'exprimer en public parce qu'on nous coupe la parole à cause du mansplaining ou alors la prise de l'espace public, mais aussi dans la rue par les hommes, etc. Tout ça, c'est abordé en creux et ça parle, il me semble. En tout cas, moi, ça me parle. Et puis, d'après ce que j'ai lu, notamment sur les réseaux sociaux, j'ai eu l'impression vraiment qu'il y avait eu un assez gros impact de ce livre-là, de Mona Chollet. C'était Livre culte pour lecteurs rebelles. Le deuxième sexe et le féminisme, pointer la domination masculine. Avec Colette Avram, Sylvie Chaperon, Marine Rouche, Guillaume Delaunay, Vanessa Larré. Remerciements à Mireille Cardot. Recherche musicale, Romain Couturier. Recherche INA, Manuela Dubessy. Prise de son, Romain Lucquins, Gilles Gallinaro, Cédric Châtelu, Julien Girard et Pierre Monteil. Mixage, Alain Joubert. Un documentaire d'Élise Gruau, réalisé par Anne Nasmuk. Witches.